sais. Je sais. Tu peux fermer tes yeux et prier le petit Jésus jusqu'à ce que tu t'endormes. Et il ne viendra pas te sauver. Tu ferais mieux d'aller chercher ton flingue. Essayer de tester le roi et neuf. Tu peux mourir pour ça. R.A. n'est rien d'autre qu'un chef de bande, Bafia, Queensbridge, c'est HLM que je représente. Et je le fais depuis l'époque de téléavertisseur. Je me rappelle mon dentier en or et toutes mes aventures avec mon premier fusil. Avançons notre futur, maintenant on est en tournée. La plus grosse des tournées, la plus grande de les grandes. T'inquiète mon petit métis, je suis salement riche. Dégoûté par mon argent, tu m'appelles Tony. J'aurais rêvé de ne jamais être mon opposant. Car le calibre 50 champs, rempli de balles épuisées. Au sommet du monde, maman, ton petit garçon a grandi dans les flammes. Plus chaud que celle des tours jumelles. Les paroles de mon rap passent à l'histoire dans les nouvelles. La presse et les paparazzi. Je vous remercie pour faire des papiers sur moi. Exploiter le roi, tous mes fans, vous êtes mes hommes et mes femmes pour l'éternité. Et si je meurs et on ne se revoit plus jamais, allume toi sur mes chansons et tu fumes avec moi. Dieu accorde-nous ton pardon. Je me sens comme si j'ai vendu mon âme au démon. Tout ce qu'on fait c'est fêter, tout ce qu'on fait c'est baiser les putes. Je me sens comme si j'ai vendu mon âme au démon. Dieu accorde-nous ton pardon. Je me sens comme si j'ai vendu mon âme au démon. Toute cette putain d'argent me rend tellement riche. Je me sens comme si j'ai vendu mon âme au démon. Assive attitude, Mujahideen. J'entretiens ma sombritude comme une machine. Je traîne avec tragédie, imagine. La peine dans les veines dérape parfois comme la canicule. Reste droit. Il en faut peu pour tout bascule. Le crime dans mes rimes balafre le ciel. Mon œil ne regarde pas dans une pyramide. Pour avoir la même mise sur le monde, on pisse, monte, tombe. Qui prend les coups que la vie donne. Mousse, mélodie nerveuse, berceuse pour perceuse. Pousse, il m'appelle terroriste. À force de voir t'enflammes, je terrorise. 400 ans d'esclavage, il faudra qu'il paye. Y'a pas de frontières quand je pars en guerre. L'Afrique, à force de souffrir, oublie de sourire. Y'a dans les sacs que nous sommes développés. Nos pays restent sous-développés. Négro rime avec héroïne. Dieu accorde-nous ton pardon. Je me sens comme si j'ai vendu mon âme au démon. Tout ce qu'on fait c'est fêter, tout ce qu'on fait c'est baiser les putes. Je me sens comme si j'ai vendu mon âme au démon. Dieu accorde-nous ton pardon. Je me sens comme si j'ai vendu mon âme au démon. Toute cette putain d'argent me rend tellement riche. Je me sens comme si j'ai vendu mon âme au démon.